ce rap de gamin, j'ai grimpé mon estime. J'ai changé ma souffrance, ils avouent qu'ils me sous-estiment. J'ai chanté sur la souffrance de tous les hommes. J'ai au cri au stylo, mais rature à la com. Malgré le temps qui passe, rien ne s'efface. J'suis comme tout le monde, j'veux laisser ma trace. Comme le jaguar, j'veux laisser ma marque. Le sourire de rapace face aux menaces, aux coups de crasse. Mon sourire dans l'impasse, le S qui s'entasse. J'ai souffert malgré mes efforts. Le temps demeure, l'argent, le réconfort. Sur le style, je cogite, je m'endors. Me relever pour crier mon amour à la mort. Et je prie, je chante sur le mirador. Mon cœur est un diamant, c'est que ma mère vaut de l'or. Finirai ces mesures apeurées. T'es au courant, la vérité est un salut. Précisé dans le code.